Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui L'Homme qui dort, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossire. La fiction d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une équipe d'un SAMU en province. Nous sommes dans la salle de régulation médicale. Il est 1h du matin. Les téléphones sonnent sans discontinuer au SAMU d'Alès, au cœur des Cévennes. Un petit poste de radio posé dans un coin de la salle diffuse faiblement un bulletin de météo de la station locale, alors que Juliette et Camille, les régulatrices médicales, elles répondent inlassablement aux appels entrants. Juliette Amand est en conversation sur haut-parleur avec une patiente légitimement impatiente parce qu'elle vient de se blesser. Quelques questions, on envoie l'équipe. Camille, de son côté, répond aussi à un appel, une conversation étrange s'engage d'ailleurs. Qui est blessé? Qui est en danger? Comment intervenir quand les informations qu'elle recueille sont si troublantes? Pourtant, il faut comprendre pour pouvoir intervenir et aider. La situation peut vite devenir une sorte de huis clos haletant. Mais que ce soit par téléphone ou aux urgences d'un hôpital, jour et nuit, médecins, infirmières ou infirmiers s'activent pour essayer de soigner, sauver, aider des gens blessés, angoissés, perdus. 10 millions de patients en 1998 ont été reçus et soignés dans les services d'urgence en France. Plus de 20 millions aujourd'hui, mais sans personnel ni moyens supplémentaires. Voyez le problème, les urgences craquent, les urgences sont à bout. Pourtant, beaucoup reconnaissent les qualités fantastiques du système de soins français ouvert à tout le monde et qui ne refuse rien ni personne. La définition même de l'accueil et de la générosité. Pourtant, tous savent que ce système est à bout de souffle. Pas l'idée, hein. Bien au contraire, mais les modalités du système. Alors, que faire? Comment l'améliorer, si c'est possible? Et pourquoi en est-on arrivé à ce point de rupture dans notre système de santé publique? Pour en parler et répondre aux questions qui se posent aujourd'hui et que pose la médecine de l'urgence, nous recevrons, après la fiction, le journaliste Jean-Marie Godard, qui a passé une année entière au cœur des services d'urgence et qui, dans son livre témoignage intitulé « Bienvenue aux urgences », raconte la vie, le travail, les passions de ceux qui, malgré le manque de moyens et les contraintes budgétaires terribles, continuent à protéger notre santé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. L'homme qui dort, de François Luciani. Réalisation, Cédric Ossire. Sur le sud et le sud-est du pays. Quant au nord, le thermomètre passe souvent en dessous du zéro au petit matin avec moins 9 à Nancy. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, madame, je vous entends, madame. J'ai bien compris. Vous êtes tombée et... Allô ? Allô ? Oui, madame, vous êtes tombée. Vous avez quel âge, madame ? 74. 74 ans. Mais vous êtes où, madame ? Dans la laiterie. J'arrive plus à me relever. Et vous avez mal où, madame ? Je peux pas me relever, je vous dis. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? J'ai entendu les bêtes qui s'affolaient à cause de la tempête. Je suis levée. Et quoi ? J'ai glissé. Il n'y a rien là-dedans. Sûrement un bout de ferraille, saloperie de ferraille. Ça saigne le long de ma jambe. Vous êtes seule dans la maison ? Et votre mari ? Vos enfants ? Il n'y a plus personne ici. Restez calme, madame, ne vous affolez pas, je vais vous envoyer quelqu'un. Oui. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Oh, c'est pas vrai. Putain de réseau. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a coupé. Oh, encore ? Ils installent la fibre, à ce qui paraît. Tu parles. De ce temps-là, c'est pas pour demain. T'as les racks, ça te dit quelque chose ? Non. Ce serait sur Valrhoga en montant vers l'Égual. J'envoie qui, moi, là, où il vient du mat ? Excuse-moi. SAMU 30, Camille. Bonsoir. Allô ? Que puis-je faire pour vous ? Madeleine. Allô ? Allô ? Oui. Quel est votre nom, madame ? Anna. Anna, comment ? Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît ? Je vous entends mal. Anna, qu'est-ce qui ? Ok, donc vous appelez sur le 09 01 02 61 25. Vous avez un numéro de téléphone portable ? Je crois qu'il y a des gens chez moi. Pardon ? Il y a des gens qui sont entrés chez moi. Des gens ? Oui, des hommes. Ils sont deux, je crois. Peut-être trois. Vous avez appelé les gendarmes ? C'est pas vous la police ? Ah non, madame, ici c'est le SAMU. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Il y a des gens chez moi, je vous dis. Ok, et alors, est-ce que vous êtes blessée ? Oui. Où ? Au bras. Et près du cou. Ok, qu'est-ce qui vous est arrivé, madame ? Anna, est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame. Je vous entends. Ça fait beaucoup, madame. Ok, vous êtes où, Anna ? Sous l'escalier. Pardon ? Oui, dans la grange sous l'escalier. Et Sophie, elle est dans la maison au premier, dans sa chambre. J'ai peur qu'il lui fasse du mal, à elle aussi. Elle dort, je crois. Ok, Sophie ? C'est qui, Sophie ? Ma fille. Elle a 6 ans. Et qui est-ce qui veut lui faire du mal ? Les hommes. Quels hommes ? Vous les voyez ? Non, mais je les entends. Ils sont où ? Dans la cuisine. Ils boivent. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Ils sont entrés dans la maison. Ils m'ont poussée. Je suis tombée sur les bouteilles dans la cuisine. Et après, je me suis échappée. Et vous vous êtes échappée où ? Dehors. En pleine nuit ? Oui. Est-ce que vous êtes seule ? Votre mari n'est pas là ? Philippe est parti pour 3 jours en formation à Alep. Vous pouvez l'appeler ? Il n'a plus de portable. Comment ça ? On n'a plus les moyens pour le forfait. Mais vous n'avez pas un autre moyen de le joindre ? Non. Mais je sais qu'il sera là vendredi. Ok, vendredi, on est mardi, ça fait loin, ça. Vous avez un voisin ? Non. Les hommes, comme vous dites, vous les connaissez ? Non, je ne reconnais pas leur voix. Et vous les avez déjà vus dans le coin ? Non. Donc vous êtes à Saparel, sur la commune de Saint-Paul-de-la-Coste, n'est-ce pas ? Pas exactement. Comment ça ? On est sur la commune de Saint-Paul, mais la maison est à 3 km de Saparel, par la corniche. Bon, je vous envoie les gendarmes, d'accord ? Attendez, il y en a qui sort, je crois. Je crois qu'ils s'approchent. Vous les voyez ? Non, madame, tout est noir dehors. Ils ont des lampes de poche, quelque chose ? Je sais pas, madame. Vous ne voyez rien ? Non, madame, je vous assure. Écoutez, c'est pas possible. Je suis avec madame de naissance. Madeleine, vous m'entendez ? Oui, c'est pas trop tôt. On va vous envoyer un médecin. Quand ? Il va falloir attendre un peu. Combien ? Il faut bien compter une bonne heure de route depuis Alès. Le temps qu'il arrive. Oh, alors je vais rester là-dedans encore combien ? Ne vous inquiétez pas, Madeleine, je suis avec vous. Surtout, vous ne raccrochez pas, d'accord ? On est bien d'accord. Vous ne raccrochez pas. D'accord. J'ai peur pour ma fille, madame. Ils vont lui faire du mal. Comment vous avez fait pour aller jusqu'à la grange ? Je connais le chemin. J'y vais tous les jours pour les bêtes. Ok, restez là et je vous reprends. J'ai bientôt une batterie, madame. Bon, alors vous raccrochez, moi je vous rappelle. Martin, j'ai le signalement d'une agression là. Une femme sur la commune de Saint-Paul-de-la-Coste. Elle est aveugle et elle dit être blessée au cou et au bras. Et les agresseurs sont sur le site. Tu peux voir si l'hélico est dispo ? Vent par rafale de 60 à 90 nœuds pour la nuit. On reste au sol, désolé. Contact avec les services routiers. Bon, Anna, vous m'entendez ? Oui. Il va falloir attendre un peu. Hein. Les secours sont prévenus, mais avec cette météo, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Camille, pas de voiture disponible avant 3 heures. Anna, vous m'entendez ? Oui, madame. J'ai froid. Je suis pieds nus. Pieds nus ? Oui. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures. C'est pas facile, vous savez, mais il me faut plus de temps pour faire les choses. Oui, je sais bien, mais... Il neige dehors. Je le sens. calme. Anna, qu'est-ce que vous faites? Je me mets au chaud, près d'elle. Vous êtes où? Vous êtes où, Anna? Dans les tables. Il fait meilleur. Il fait chaud ici, près de leur ventre. Ça fait du bien. Et puis de là, je vois la maison. Vous voyez la maison? Je la sens. J'entends ce qui s'y passe. Ça va mieux là. Il fait meilleur. Ok, c'est bien. Donc vous restez là, tranquille, hein? Anna? Oui. Où est-ce que vous allez? À la maison. Non, non, vous restez là où vous êtes, Anna, vous m'entendez? Je voulais retrouver ma fille. Je voulais lui faire du mal. Non, non, non, vous restez là où vous êtes. Vous restez là où vous êtes. Anna? Est-ce que vous m'entendez? Anna? Anna? Il y a un problème? Elle a raccroché. Elle est où? Dehors, à moitié à poil. Si ça continue, je vais y aller moi-même. Non, tu déconnes. J'en ai l'air. Tu bouges pas d'ici, ok? Écoute, je vais tout de même pas laisser crever cette femme, elle est toute seule. Camille, tu fais quoi, là? Je vais fumer une clope dehors, ça te va? Ouais. Madeleine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Le docteur Lafourcade va arriver d'une minute à l'autre. Vous ne bougez pas, c'est compris? Oui, d'accord. Docteur? Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais j'ai glissé, pardi. Laissez-moi regarder ça. Oh, non, c'est pas trop tôt. Du temps que je vous attends. Juliette? Oui. C'est bon, hein, rien de grave. On la prend en observation. Très bien. Je ferai des points dans l'ambulance. Au moins 5 en bas de la jambe gauche. Ok. Oui. Docteur Lafourcade à l'appareil. La patiente nous fait un malaise. On est en route. Angioplastie, on l'amène direct au bloc. Tu dégages une place, ok? Ok. Putain, ça s'arrête quand là? Anna, vous êtes où? Dans la chambre, avec ma fille. Viens, ma chérie, on s'en va. Faut pas rester là. Ils vont nous faire du mal. On va aller retrouver papa, ok? Non, Anna, vous ne bougez pas. Je vous envoie quelqu'un en toute urgence, d'accord? Quand? Non, vous ne raccrochez pas, ok? Allô? Clément, c'est moi. Putain, t'es là? Ouais, mais c'est pour une urgence, une aveugle. Et alors? Bon, elle est sur la commune de Saparel, même pas 10 bornes. Et avec cette météo pourrie, j'ai personne. Tu veux pas aller voir? Elle dit qu'elle saigne au bras et au cou. Tu fais chier, Camille. Je pose dans 3 heures, moi, ok? Allez, tu peux faire ça pour moi. Oh, purée. Ok, je m'habille. Merci, mon amour. Anna? Anna? Oui. Bon, alors quelqu'un sera là dans 10 minutes, hein. Il s'appelle Clément, c'est un infirmier. Vous restez où vous êtes, d'accord? Ok, d'accord. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Je me débrouille. Tu trouves ça normal d'envoyer ton mec à la place des flics? Tu veux te faire virer? Quand on peut pas faire autrement. Tu veux le tester? Savoir s'il fera un bon papa? Oh, Juliette, tu m'emmerdes. T'as combien de mois maintenant? Ça te regarde? 3? 4? 4. C'est vrai que tu commences à avoir un joli petit bidon. Arrête. Si. Si, ça commence à se voir carrément. Tu trouves? Mmh. Ouais. Je te parle pas du reste. Allô? Ouais, c'est moi. T'es où? C'est vraiment un temps de merde. Bien paumé ici. Avec la neige, je vois à peine la maison dans les phares. Un truc de dingue. Okay. Tu vois quelqu'un? Personne. Sûr? Regarde ma torche. Quoi, ta torche? Ah, j'aurais dû changer les piles avant de partir. Quel temps, mais... On dirait qu'il y a eu une sacrée bagarre. Ça a disjoncté, il fait noir là-dedans. Ça caille. Je vois rien. Quelle fourbi la cuisine, ça merde, je sais même pas. Je vais voir là-haut. Ils sont carrément en vrac. Il y a des habits partout par terre. Comme si les armoires avaient été fouillées. Et la petite, elle est où la petite? Je vois rien dans le couloir. Clément, c'est quoi ça? Un clown. Il s'est mis en route tout seul. C'est bizarre, tout est impeccable ici. Comme si rien n'avait été touché depuis longtemps. Clément? Attends, une seconde. Merde. Quoi? Putain, y'a un mec dans les chiottes. Un mec? On dirait qu'il est mort. Clément? Clément? Putain, Clément, réponds là! Bonjour, c'est Clément Ramos, infirmier à domicile. Pour prendre rendez-vous, appelez au bureau au 04 66 56 32 34. Laissez votre message, je vous rappelle dès que possible. Merci. Clément, rappelle-moi s'il te plaît. Camille, qu'est-ce qui se passe? Rien. Comment ça, rien? Rien, je te dis. T'es sûre? Oui. T'as pas l'air bien, là. Si, je t'assure, ça va. Un petit coup de barre, c'est tout. Ok. Il est 5h, je commence mon RTT, là. La relève arrive dans 1h. Ok? Ok. Besoin de rien? Sûr? Tu peux y aller, Juliette, je vais me débrouiller. Ouais. Je suis une grande fille, maintenant. Ok? Ok. Madame? Anna, où êtes-vous? On vous cherche partout, là. Et Clément, il est où? Je sais pas. Mais vous êtes où, Anna? Et Sophie? Sophie, elle est avec moi. Elle dort à côté. Où ça? J'ai peur. Vous êtes où, Anna? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Pourquoi est-ce que tout est ouvert? J'en sais rien. Ils sont venus, ils ont bu et ils ont tout cassé. Mais qui ça, ils? Les hommes. Mais il n'y a personne, Anna, sauf quelqu'un dans les toilettes. C'est qui? Je ne sais pas. Ok, vous savez pas qui est dans les toilettes? Non. Bon, vous pouvez me passer Sophie? Elle dort, je vous dis. Réveille-la, je dois lui parler. Non, elle dort. Clément, c'est toi? Écoute, il n'y a personne ici. En plus, maintenant, je viens de me lâcher, j'y vois rien. T'as appelé la gendarmerie? Ils seront là dans 2 heures, pas avant, à cause de la neige. Ok, c'est chelou ici. Moi, je rentre. Clément? Clément? Clément, réponds! Allô? Anna? Il ne faut pas vous inquiéter, madame. Vous voyez, moi, je vais me défendre. Les noirs, c'est ma maison. Anna, qu'est-ce que vous avez fait? C'est votre ami? Clément? Clément? Clément, réponds-moi! Ne vous inquiétez pas, madame. Il est en sécurité, non? Anna, passez-moi Clément, s'il vous plaît. Je crois qu'il dort. Comme Sophie. Il ne faut pas le déranger. Ok, passez-le-moi. Je crois qu'il n'a aucune envie de vous parler. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait mon travail. Mais quel travail? Les hommes trahissent. C'est normal. C'est dans leur nature. Alors... Alors quoi, Anna? J'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. Anna, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai toute ma tête, vous savez. Les hommes sont laids. Ils nous mentent. Ils nous maltraitent, ils nous violent. Alors un jour ou l'autre, il faut bien qu'ils payent. Bon, payez quoi, Anna? Tout. Ok, passez-moi Clément. J'approche ma bouche de sa bouche. Je voudrais sentir son souffle, mais... Mais quoi, Anna? Anna, je vous en supplie. Je crois qu'il n'a pas envie de vous parler. Vous l'avez tué? C'est étrange. Je touche ses paupières, je les sens. Il a les yeux grands ouverts et pourtant il ne voit rien. Il est comme moi. Il ne fait plus la différence entre le noir et le noir. Allez comprendre. Vous attendez un enfant de lui, n'est-ce pas? Dites-moi qu'il est vivant. Vous croyez qu'il lui est arrivé malheur? Moi aussi, je voulais un enfant, mais la nature n'a pas pu faire son travail. Mais de qui vous parlez, Anna? De personne. De l'homme qui dort? Oui. C'est bizarre de dormir dans les toilettes, non? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dors dans les toilettes, maintenant. Le lit conjugal ne te suffit plus. Anna, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Passez-moi Philippe. Non, il dort. Comme Sophie? C'est différent, Sophie. Elle dort avec moi. Lui, c'est dans les toilettes. Ok, chez vous, tout le monde dort, alors? Oui. C'est normal à cette heure-ci. Faut bien rêver. Vous croyez? Rêver, c'est important. On voit les couleurs. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allô, Clément, mon amour, t'es où? Anna. Clément, il dort. Anna, dites-moi qu'il est vivant. Anna, qu'est-ce que vous faites? Vous fumez, Camille? Anna, écoutez-moi, tout ça sert à rien. Calmez-vous. C'est bizarre, ça sent l'essence par ici. Anna, qu'est-ce que vous faites? Ok, Anna, écoutez-moi. Ça fait du bien, un peu de chaleur près du feu. Passez-moi, Sophie. Qu'est-ce que vous lui voulez à Sophie? Je dois lui parler. Pour lui dire quoi? Je veux l'entendre, qu'elle me dise ce qu'elle a à me dire. Mais elle a rien à vous dire, Sophie. Ok, Sophie, si tu m'entends, c'est Camille. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Sophie dit qu'elle veut pas vous parler. Elle ne vous connaît pas. Vous l'empêchez, c'est ça? Moi? Mais pourquoi? Si elle voulait vous dire ce qu'elle a sur le cœur, elle le ferait bien sûr, naturellement. N'est-ce pas, ma chérie? Passez-la moi. Sophie? Tu veux parler à Camille? Vous voyez, elle ne veut pas vous parler. Vous n'allez pas la forcer tout de même. Sophie, vous savez, elle n'a pas eu une enfance facile avec tout ça. Elle mérite. Anna, écoutez-moi, passez-moi votre fille. Un lâche qui ne pensait qu'aux autres femmes. Un lâche qui nous aurait abandonnés s'il n'y avait pas eu une justice, alors vous comprenez. Sophie, elle s'est sentie bien seule pendant toutes ces années. D'ailleurs, aujourd'hui... son anniversaire. 6 ans déjà. On va fêter ça. Entre filles. N'est-ce pas, ma Sophie? Allez, ne sois pas timide. J'apporte les bougies. J'ai un joli cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sophie n'a jamais existé, c'est ça? Comment osez-vous dire une chose pareille? Une jolie petite fille. Elle n'a jamais existé. Allez, viens, Sophie. On va aller dormir, nous aussi. Il est tard. Désolée, Camille, mais il faut que j'aille coucher la petite. Elle va à l'école demain. Anna? Oui? C'est quoi le joli cadeau pour Sophie? Devine. Attends, pas vite. Il a réussi hein, aujourd'hui, je reconnais. Anna, arrêtez! Un enfant, c'est sacré, n'est-ce pas? En fait, Camille, toi, c'est pour quand? Pauvre Clément. Si jeune. Clément! est sur le site. Ça crame de tous les côtés ici. Rafale voisine de 60 à 70 km/h, chute des neiges sur l'ensemble des massifs alpins au-dessus de 1000 mètres. Les maximales affichent 1 à 4 degrés sur la côte nord. Un blessé, une femme en état de choc. On dégage. La femme ? Dukelski, Anna, 42 ans, aucun antécédent. Handicap ? Aucun. L'homme ? Non identifié. Le blessé ? Blessure à la tête et au thorax, pronostic vital non engagé. On peut lui parler ? Ouais, mais deux secondes, ok ? Allô Clément ? Et tu fais chier. La prochaine fois, tu te démerdes, ok? Ok, mon amour. Juliette, SAMU 30, j'écoute. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Allô, Camille, SAMU 30, bonjour. Allô ? Allô ? Bonjour, Camille. Anna ? Ouais, c'est moi, Anna. Vous vouliez peut-être prendre de mes nouvelles ? Qu'est-ce que vous voulez, Anna ? Rien. Juste entendre le son de votre voix. Ok. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui, Anna ? Bien. Je me repose ici. Vous vous souvenez de lui ? De qui ? Lui. L'homme dans les toilettes. Non, pas vraiment. Pourtant, il est là tout près de moi. De qui est-ce que vous parlez, Anna ? Je vous parle de lui. De qui ? Mon frère. Pardon ? Il est calme maintenant. Qui ? Lui. Mon frère, l'homme qui dort. Un homme de 40 ans décédé hier dans l'incendie de Saparel a pu être identifié. Il semble qu'il ait été agressé par sa sœur, Anna Dukelski, qui l'accusait de viol. La jeune femme, en état de choc, a été internée depuis à l'hôpital de jour à la suite de l'intervention du SAMU. Météo, la perturbation se décale vers l'ouest. Les rafales atteignent 50 à 60 km/h sur le littoral. Anna ? Anna, vous m'entendez ? Anna ? Anna ? Vous m'entendez ? L'homme qui dort, de François Luciani. Avec Ayam Zetoun, Pauline Riba, Frédéric Cantrel, Mexianou Médénou, Morgane Henault, Cécile Ribaud-Cayol, Jean-Paul Bézina, Michael Grant et la voix de Sidonie Laurence. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Cédric Aussir. Thank you. Affaires sensibles, la fiction. On connaît tous Patrick Peloux, médecin urgentiste et médiatique, mais urgentiste d'abord, et à propos de la grève des services d'urgence, en avril dernier, Patrick Peloux tirait le bilan de la situation des urgences dans ce pays et force est de constater que ça n'évolue pas. Il y a le mécontentement des usagers qui attendent trop et qui finissent par s'énerver. Vous avez la violence dans les rues, vous la retrouvez au niveau des urgences. Et le personnel des urgences est là pour soigner, pas pour se faire insulter et se faire tabasser. Et on a des agressions qui sont très fréquentes. Donc d'un coup, se pose un problème de l'organisation des structures d'urgence qui soient adaptées à la société. Il y a un manque de personnel, justement, au niveau des urgences. Il y a une fréquentation qui ne cesse d'augmenter avec de plus en plus de charges de travail qui posent des problèmes absolument majeurs en termes d'organisation pour l'ensemble de l'hôpital. Et il y a un moment, les personnels, ils craquent. Et je crois que c'est des revendications qu'il faut que les pouvoirs publics entendent. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui L'homme qui dort. Notre invité, le journaliste Jean-Marie Godard, pour son livre Bienvenue aux urgences, livre témoignage après une immersion d'un an. Bonjour Jean-Marie Godard. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant 20 ans au bureau français de l'agence Associated Press, AP, et vous avez écrit surtout plusieurs livres, dont le dernier, intitulé « Bienvenue aux urgences », fruit d'une année d'immersion au sein des urgences hospitalières. Donc après la fiction, revenons au réel. C'est le livre d'une situation, la situation de l'hôpital, mais c'est aussi le livre d'une expérience personnelle qui nous dit beaucoup de l'hôpital, des urgences et de la psychologie des gens qui travaillent. Donc comment ça s'est passé cette année? Comment vous avez réussi à vous intégrer dans ce personnel qui vit une situation si compliquée sans gêner le même personnel? Et comment avez-vous été accueilli? Alors il y a eu beaucoup d'échanges de SMS, de mails, de rencontres préalables pour un peu expliquer le projet. Il y avait des hôpitaux par exemple où ils craignaient que ça soit une enquête de plus sur la violence aux urgences dans certains départements. Et en fait, quand ils ont compris que la démarche était d'essayer d'aller voir les hommes et les femmes dans les services d'urgence, que ce soit d'ailleurs des personnels médicaux, paramédicaux, ou même les personnes qui s'occupent de l'accueil administratif à l'entrée, j'ai eu totalement carte blanche, que ce soit à Paris et dans pas mal de villes de province, notamment Marseille, où on m'a vraiment intégré dans les services d'urgence. On m'a donné une blouse blanche. J'ai même tourné avec des SAMU où on m'a équipé de la tête aux pieds en tenue SAMU parce que on pouvait pas trimballer entre guillemets un civil comme ça dans une équipe. Ce qui m'a permis de voir des choses absolument incroyables et de vivre avec eux plusieurs jours, plusieurs nuits dans plein de services différents. Carte blanche et blouse blanche. Et surtout avec aucune demande de relecture ou de viser mon travail avant qu'il soit publié. Donc des gens qui ont conscience que de la liberté de la presse, et c'est bien. Qui ont conscience de la liberté de la presse et surtout il y a un contrat de confiance entre eux et moi. C'est ça. Voilà. Quels souvenirs les plus frappants vous gardez de cette expérience? J'insiste sur le mot expérience, et ça c'est l'un des volets assez fabuleux du métier de journaliste, c'est qu'on arrive à vivre des choses comme ça. Qu'est-ce que vous retenez, un fait qui vous a particulièrement marqué, un ou deux? Par exemple, l'histoire de cette infirmière qui travaille dans ce qu'on appelle le déchocage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors le déchocage, c'est un peu, on va dire pour schématiser, c'est un peu, c'est quand vous arrivez en urgence vitale où il faut surveiller vos constantes et même peut-être, en fait c'est un peu ce qui se situe entre les urgences et la réanimation. Vous avez la salle de déchocage aux urgences où vous êtes sous surveillance, sous monitoring en permanence. Cette infirmière, quand elle commence il y a un an et demi dans un hôpital de la banlieue parisienne, en fait son père, elle travaille de nuit, et son père qui est gravement malade, sa première nuit de garde, vient décéder à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il est accueilli en déchocage et il va mourir une heure après. Alors évidemment, elle a été extrêmement secouée, mais en même temps, j'ai passé du temps avec elle de nuit d'ailleurs dans son service. Ça lui a donné en fait une force, c'est-à-dire que elle s'occupe encore mieux des malades et elle arrive à prendre en charge par exemple des fins de vie, parce que ça arrive, c'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des fins de vie qui arrivent aux urgences ou voilà. Les autres choses que j'ai pu voir, c'était moi, ce qui m'a vraiment étonné de manière tout à fait positive, c'est la passion et l'humanité de tous ces personnels, y compris dans des situations très très difficiles. Le calme aussi. Le sang-froid. Le calme, le sang-froid. Il y a cette scène dans le livre d'un toxicomane amené par les pompiers qui ressort parce qu'en fait il a rien et puis qui finalement revient de par lui-même et exige à nouveau de voir un médecin. Et comme on lui dit d'attendre, il pète littéralement un plomb et il menace l'infirmière d'accueil qui est derrière sa vitre, derrière son guichet. C'est à Paris, il l'insulte, il menace de l'égorger en disant « s'il n'y avait pas la vitre, je t'égorge, moi la prison ça me fait pas peur ». Et elle reste complètement calme, posée. Alors à l'intérieur, personnellement, ça fait quand même du dégât. J'imagine. Mais le ton ne monte pas, quoi. C'est-à-dire que bon, le gars, il y a des vigiles qui vont venir, il va se faire gentiment raccompagner à la sortie, mais voilà quoi. Ça veut dire que majoritairement, il y a une maîtrise majoritairement, parce qu'on ne peut jamais globaliser sur une profession entière, dans un sens comme dans un autre, mais la plupart de ces gens, malgré les difficultés budgétaires qui impliquent des difficultés professionnelles, terribles parfois, il y a cette vocation qui est là. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça s'écroulerait. Si ça tient encore, c'est par la vocation et le courage de ces gens. Par la vocation et le courage de ces gens. Tous les gens que j'ai rencontrés me disent les urgences, elles tiennent par l'humain. Parce que on est des équipes, parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais c'est là aussi qu'il y a la question de la souffrance au travail. C'est que ces personnels ont une telle humanité et une telle passion de leur travail que des conditions de travail complètement dégradées et l'impression de ne pas être compris plus haut, y compris par les politiques, c'est une souffrance encore plus forte. C'est-à-dire que si vous ne vous investissez pas dans votre travail, si vous faites un boulot alimentaire et que vous vous en fichez, à la limite, oui, ça passe, ça va pas trop vous toucher. Là, oui. on est dans quelque chose d'humain, de dur et de passionné. Et donc, c'est d'autant plus compliqué quoi, à vivre. Alors oui, on se souvient, hein, après les attentats de 2015, les urgentistes étaient des héros, et puis trois ans après, avec l'affaire Naomi, ils deviennent des salauds. Ça, ce sont les mots d'une infirmière, et qui se plaint. Alors effectivement, revenons sur le décès de Naomi Musanga, dont l'appel au centre 15 du Bas-Rhin n'a pas été rapidement et assez rapidement pris en compte par l'assistance de régulation médicale, et elle est morte le 29 janvier 2017, soignée trop tard donc. Le 18 décembre 2018, une femme de 55 ans est retrouvée morte sur un brancard aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, où elle avait été admise la veille. Elle a été oubliée pendant 7 heures. Aussi, l'enquête prouvera de lourds dysfonctionnements, notamment dans le protocole de surveillance des patients en attente d'un médecin. Alors, les urgences fonctionnent mal, vraiment très mal, ou on en a aussi une idée dramatisante? C'est quoi le constat objectif sur les urgences? Passé un an. Je peux dire, on en a une vision dramatisante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a effectivement un drame, comme que ce soit celui de Naomi Musanga ou celui de Lariboisière, c'est horrible pour les familles, c'est très dur. Mais il y a un effet loupe énorme, alors que quand vous voyez qu'il y a quand même plus de 20 millions de personnes qui passent par les urgences aujourd'hui, quand je dis 20 millions de personnes qui passent par les urgences, vous avez vraiment pour tout et n'importe quoi. Tout, y compris du social, y compris de la misère, quoi. Oui, et puis aussi quelques petits bobos qui, on en reparlera de ça. Y a, voilà, on va. Mais surtout, au milieu de tout ce flux, justement, vous avez un personnel qui a la capacité de détecter l'urgence vitale, qu'il va falloir prendre en charge tout de suite. Sur 20 millions de personnes, vous vous rendez compte le nombre d'accidents là dont on parle, ce que ça représente. C'est dramatique. Mais à l'échelle du flux... Rapporté au juste proportion. Mais c'est voilà. Et d'ailleurs, parfois, c'est là qu'on voit le grand professionnalisme des personnes des urgences. C'est que quand on voit leurs conditions de travail, la surcharge de travail, parfois, dans certains services... On pourrait même s'étonner qu'il n'y ait pas plus de drames. Mais bien sûr, c'est ce que ça veut dire, votre titre, Bienvenue aux urgences, qui est ambigu, et volontairement ambigu. Ça veut dire ça, Bienvenue aux urgences? Ça veut dire que oui, c'est l'accueil inconditionnel. Ouais. Alors moi, ce qui m'a vraiment, la chose dont j'ai pris conscience et que j'ai constaté quand j'ai fait cette enquête, c'est la place du social aux urgences. C'est-à-dire que, en fait, les urgences aujourd'hui ne sont plus seulement un service médical. Par exemple, il y a des urgences pédiatriques qui prennent en charge des mineurs isolés qui ne savent pas où dormir. Il y a les SDF qui viennent dormir dans les salles d'attente, qui sont tranquilles, quoi, qui sont en sécurité. Les urgences psychologiques aussi ? Il y a les urgences psy. Alors ça, c'est aussi un autre problème. C'est les cas psy qui décompensent aux urgences, enfin qui sont mal ou pas pris en charge dans certains départements parce que justement il y a un problème là-dessus au niveau soins spécialisés, donc qui se retrouvent aux urgences. Il y a absolument des tas de choses, quoi. Il y a ces SDF, par exemple, dans certains hôpitaux, qui sont connus du service des urgences, qui vont disparaître pendant un mois et qu'on voit réapparaître dans un état pas possible, qui vont dormir quelques heures dans un box, à qui on va donner à manger, à qui on va donner une douche, à qui on va faire un bilan médical et qui vont repartir dans la nature. Et ça, j'en ai vu un peu partout, quoi. On a envie de dire aux ARS, hein, les agences régionales de santé, mais que faites-vous, quoi? Parce que c'est aussi leur mission que de réguler tout ça. C'est aussi leur mission de réguler tout ça, mais il y a une vraie question, d'ailleurs, que reconnaissent eux-mêmes les urgentistes, c'est ils disent, mais nous, on ne va pas demander sa carte bleue à un patient, à quelqu'un quand il vient aux urgences. Et on en a marre d'avoir des directives qui descendent d'en haut, d'avoir l'impression qu'il y a une espèce de gestion comptable permanente. Mais il y en a certains qui disent aussi, le problème c'est qu'un hôpital se doit gérer aussi et que moi je serais incapable de gérer un hôpital. C'est de la comptabilité. C'est le il y a une école en Bretagne pour ça, je crois. Oui, tout à fait, le souci c'est qu'on a l'impression, il y a un fossé effectivement, mais les urgences, les personnels qui travaillent aux urgences, on est en première ligne sur l'humain, sur des situations paroxystiques, de souffrance, de difficultés, de tout ce que vous voulez, de tension. Et c'est une manière de raisonner, de fonctionner, les gens qui se tournent vers le travail aux urgences. Et plus haut, vous avez effectivement des gens qui vont avoir à gérer un hôpital, un budget, mais qui connaissent absolument pas en fait le boulot et ce que vivent, y compris en termes émotionnels, les gens qui sont en première ligne. Et donc, c'est deux mondes comme ça qui sont obligés de cohabiter. Et un contrat d'objectif et de gestion d'un côté, et puis l'humain de l'autre. On se retrouve dans 3 minutes, Jean-Marie Godard, pour continuer à parler des urgences et de l'hôpital public. Je suis tout seul chez moi. Je t'appelle et tu ne réponds pas. Pourtant, je sais. Tu es là, c'est toi, ce n'est pas toi. Une voix me dit de faire le 15, 455, 48, attendre les 3 tons et puis faire le 12, raccrocher. Je t'appelle, je ne t'ai pas. Jean-Marie Godard, puisque vous avez passé un an aux urgences, à l'hôpital public, vous savez donc de quoi vous parlez, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a certaines questions comme ça qui sont posées, parfois des affirmations qu'il faut peut-être rejeter ou accepter parce qu'elles sont vraies. On va faire une petite liste comme ça. Est-ce que le personnel n'est pas assez formé ou mal formé ? Non, le personnel des urgences est bien formé. Franchement, on a un système de soins au top en France. Oui. Bah oui, vous êtes dans l'accueil inconditionnel, vous arrivez, on va vous prendre en charge. En France, on ne laissera pas les gens mourir dans la rue, quoi, très clairement. Enfin, s'ils ont quelque chose de grave, qu'ils arrivent aux urgences, on ne va pas leur dire, vous n'avez pas la capacité de payer, donc vous ne rentrez pas. C'est pas possible. Et puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on va à l'hôpital et aux urgences parce que c'est gratuit, justement, qu'on veut être soigné tout de suite sans attendre un rendez-vous chez un spécialiste? Est-ce que ça fait monter la cohorte des gens qui ne devraient pas parfois être à l'hôpital? Et y compris ceux qui viennent se faire soigner pour un petit bobo. Ça pose un vrai problème, ça. Ça existe. Ça existe, mais c'est pas non plus la majorité. C'est un effet de loupe encore? C'est, oui, parce que, non, mais le problème, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que quand vous discutez avec des gens qui disent, c'est scandaleux, j'ai attendu 6 heures aux urgences parce qu'il y a des gens qui viennent pour rien. C'est toujours la faute du voisin, alors que peut-être que la personne qui vous dit ça, en fait, elle a un rhume et elle voulait pas attendre 2 jours pour aller chez le médecin. Enfin, ça, je l'ai vu et j'ai entendu parler. La personne qui me raconte ça, qui a son fils qui s'est juste un petit peu ouvert le menton en tombant en vélo et qui dit « oui, c'est scandaleux, j'ai attendu aux urgences », bah oui, mais parce qu'il y a peut-être des choses plus graves qui ont été prises en charge en attendant. Le problème de l'attente aux urgences, il est aussi lié, c'est pas les gens qui vont aux urgences parce que c'est de la bobologie et qu'ils ont la flemme d'attendre 3 jours pour aller voir leur médecin. Enfin, ça peut arriver. Le problème, c'est que les urgences prennent de plein de fouet l'impact des modifications d'offres de soins en médecine de ville. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération de médecins généralistes qui n'ont pas forcément envie d'être des médecins de campagne, de pas avoir de vie familiale, d'être 24 heures sur 24, de pouvoir être dérangé à 23 heures, aller au chevet d'un malade. Mmh. Et donc, ils ont des cabinets qui ferment à 18 heures, ils élèvent des enfants, et le week-end, ils ont envie d'avoir leur week-end. Le problème, c'est que il manque un maillon là entre les deux, et que à partir de ce moment-là, tous les gens vont aux urgences. Si vous n'arrivez pas à trouver un médecin le week-end, le samedi, s'il n'y a pas de maison médicale de garde, vous allez aux urgences. Voilà, c'est pour ça. Dans la gestion difficile de l'urgence ou des urgences en France, il y a ce centre d'appel. Ça peut jouer, et on a vu que ça peut se jouer à ce moment-là. Les urgences, c'est pas seulement recevoir des patients, les mettre sur un brancard, les soigner. Il y a cette étape fondamentale de l'appel. Comment c'est géré ça? Est-ce que c'est pas le secteur le plus stressant finalement? Si. C'est compliqué. Il y a des gens qui travaillent en SAMU, justement, qui disent aujourd'hui, passez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'ils s'expriment, ils disent aujourd'hui, quand vous faites une journée en régulation, vous serrez les fesses en priant pour que ça se passe bien et qu'il n'arrive rien, quoi, qu'il n'y ait pas la tuile. Ouais. La difficulté d'un SAMU, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, le SAMU, enfin moi je me rappelle quand j'étais gamin, le SAMU appelait le 15, c'était comme faire le 17 ou le 18. C'est-à-dire que vous appeliez le SAMU pour un arrêt cardiaque, pour quelque chose de très grave. Aujourd'hui, le 15, et on en revient au problème de l'offre de soins, le 15 c'est devenu en fait une espèce de call center pour tous les besoins de santé d'un bassin de population de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Ça veut dire que la nuit, le jour, tout le monde, vous avez besoin de voir un médecin. Vous avez un problème médical, vous ne vous déplacez pas à l'hôpital ou vous n'êtes pas allé voir un médecin généraliste en ville. Vous faites le 15. Vous appelez le 15. Pour faire aussi malade. SOS médecin. Hein. Oui, mais les gens ont plus le réflexe de faire le 15. Et SOS médecin n'existe pas partout. Donc, oui. En plus, c'est encore plus compliqué parce que les urgences, les gens, quand ils arrivent, vous les voyez. Là, ouais. Vous êtes dans un truc où vous devez être capable de détecter l'urgence vitale dans un flux d'appels où vous ne voyez pas les gens. Ouais, bien sûr. Et en plus, c'est souvent des gens qui sont angoissés, donc qui appellent en disant... la personne qui appelle au téléphone en disant « je vais mourir », ça arrive souvent. Les gens qui travaillent au SAMU en régulation ou chef de SAMU me disent « mais ça nous arrive très souvent ». Et vous vous rendez compte du défi, comment c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça aussi que derrière les personnes qui décrochent au téléphone, il y a ce qu'on appelle des médecins régulateurs à qui on transfère l'appel pour que lui évalue le degré d'urgence médicale. Et ce qui fait peur, c'est qu'il n'y ait pas assez de médecins à terme, de médecins urgentistes, parce que c'est un boulot très dur, quoi. C'est un boulot très dur. C'est un vrai problème, ça. Mais il y a des hôpitaux qui commencent aussi à avoir du mal à recruter les personnels paramédicaux parce que, justement, c'est un travail très dur et qu'il y a certains services où il y a beaucoup de turnover, notamment la nuit, parce que les gens ne tiennent pas, parce que les gens craquent. Il y a un chef d'urgence dans mon livre qui dit « Le médecin dévoué qui se donne à fond urgentiste, à 50 ans, il est cramé. » Voilà. Ouais. Alors, en résumé, on doit continuer à aller aux urgences pour des motifs valables, oui. Parce que l'urgence en France a une conscience, on va dire ça comme ça, pour l'hôpital public, hein, parce qu'on tape dessus. Exactement. Et quand même, il y a du boulot fait, du bon travail qui est fait. Il faut soutenir nos urgentistes et nos services d'urgence. On a un système qui est magnifique quand même. Merci infiniment Jean-Marie Godard. Je rappelle le titre de votre livre, Bienvenue aux urgences, l'hôpital comme vous ne l'avez jamais vu, un an d'immersion totale au service des urgences. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui L'homme qui dort, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossure, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Miorot. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure et Alexandre Chenet.